La petite ogresse, boum, boum, boum, elle aime les fêtes, boum, boum, des petits enfants, boum, boum, boum, elle ment à pleines dents, on la déteste, boum, boum, boum, parce qu'elle nous blesse, boum, boum, mais c'est marrant. Quand elle nous suit sous le sang. Un jour elle rencontra l'amour. C'était un garçon. Tout ce qu'il y a de plus mignon. La petite ogresse, elle nous délaisse. Mais ça vaut mieux, oui, ça vaut mieux que...